Dans le poil de mon chien habitait une puce. Elle s'y trouvait bien, prenant toutes ses aises, se faisant très discrète, soucieuse d'éviter le violent coup de patte d'une envie de gratter. Elle était arrivée par hasard, un matin. D'origine incertaine, à part quelques soupçons sur l'ami de Bouboule, Jojo le hérisson, un hôte permanent du fond de mon jardin. Unique locataire du grand appartement, la puce en appréciait les aménagements. Le contour de l'oreille ou les replis du cou, la chaleur du ventre et son duvet si doux. Mais un jour de visite, tout allait basculer. La puce débusquée par une main experte s'affole tout à coup, entrevoyant sa perte, saute et puis disparaît dans la chemise ouverte. J'aurais aimé aussi suivre l'itinéraire emprunté par la puce en ce matin d'hiver. Chemin qui mène au sein du corsage entrouvert d'une jeune et jolie docteur vétérinaire.